Eh oui, Marie-Gaëtane, je suis devenu le patron. Est-ce que voilà, ça vous inspire quelque profitez-en. Chose? Est-ce que Mais vous trouvez justement, plus beau profitez-en jusqu'à que je suis demain. Patronne. Mais oui, forcément, vous je êtes vous bien remercie. Plus beau. Oui, je le sens dans les couloirs, il y a une différence. Et écoutez comment ça se passe en conférence de rédaction, c'est aussi le sérieux qui prime. Bonjour la France Inter. Non, bonjour la France Inter. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, attends. Ah, bonjour la France Inter. Ah, elle fait ça. Juliette. Juliette. Elle fait peur, je l'avais pas entendu. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Eh ben, je le fais bien, non? Ouais, c'est pas mal, c'est pas parfait non plus, mais c'est pas mal. Bon, je tenais à vous dire que je suis très heureuse que Zaza Fournier soit notre invitée aujourd'hui. Ah, oui, elle a beaucoup de talent, cette Et puis elle est jolie, non? Voilà. Typiquement, on y est. Oh non. Vous recommencez comme hier, hein, à l'antenne avec vos propos sexistes sur le physique des responsables politiques. Mais Marion Maréchal n'est pas responsable. Oui, c'est vrai déjà. Hier, vous avez fait une vanne homophobe. Nous. Mais oui, sur les deux potes qui partent en Grèce. C'était marrant. Bah oui, c'était un peu cliché. Mais ouais, ça va, sauf qu'aujourd'hui, vengeance, vu que l'invité c'est une femme, nous serons en majorité absolue à la table. Ça va bien vous calmer. CQFD, merci, bisous. Attention, il y a Samir, t'as mal compté. Ouais, mais Samir, il est des nôtres. Oh non, quoi, Samir, il est. C'est le genre à partir en Grèce. Mais non. Mais il fait aussi partie d'une minorité, donc deux hommes blancs hétéros contre quatre restes du monde. Ok, ok, bien joué, ma petite. Oh, et Juliette n'est ni petite. Ouais, ni à toi d'ailleurs. Parfaitement, on est quatre, vous êtes deux, fermez-la bien, CQFD, merci, bisous. Et ben tu lui diras toi, Samir, qui fait partie de l'équipe d'épisseuses, ça va bien me faire rigoler. Ah ouais, moi aussi, ça va bien me faire rigoler ça. Ah ouais, et l'autre truc que je vais dire, c'est bonjour la France Inter au début de l'émission, vu que je me suis bien entraînée. Ah non, ça c'est loup, ça Charline va jamais vouloir. Ah oui, elle va pas être d'accord du tout avec ça, Charline. Ah ouais, on va le savoir, je vais demander par texto. Alors Alors elle dit, c'est bon, je suis archi d'accord, CQFD, merci, bisous. France Inter. Voilà, c'est tout ce qui vous était autorisé. Merci Juliette Arnaud. Ça s'arrête là. Bonjour la France Inter qui profite avec moi des vacances de sa patronne et profitons-en doublement aujourd'hui puisque demain elle revient. Mais avant ça, une heure d'émission qui exfiltre l'information en jet privé. Et voici les trois informations qui vont se retrouver dans la cale. Le petit Nicolas chez les soviets. Et oui, l'ancien chef d'État a gardé des amis du temps de sa superbe. Nicolas Sarkozy est en train de saluer à Moscou son poteau, Vladimir. Les amis, c'est important, même si on se pose des questions. Comment est-il? Très charmant. Très gentil, très gentil, très bien, il m'est fait. Très bien, pantalon rouge. Vraiment gentil. Oh, très gentil. À ce point-là. Oh. L'agence touriste à côté, c'est des pipeaux. En France, quand Louis la Brocante se met aux manettes d'un coucou pour extrader deux hommes de République dominicaine, ça a de la gueule. Tout ça pour un problème de coco. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu gérer ça à la base? Qu'est-ce que vous trimballez là-dedans? Ça me paraît bien lourd. Les affaires? Et voilà. Je vais remettre ça où tu l'as pris. La ville de Cannes ne s'est pas encore remise des inondations et son maire ne peut pas admettre que cette ville de strass et paillettes soit la Bombay de la Côte d'Azur. Il lance donc un appel aux stars de Gilles Jacob à Sharon Stone. La mendicité est donc tout à fait autorisée sur la croisette. S'il vous plaît, je suis yougoslave. S'il vous plaît. Tu es serbe ou tu es croate? Je suis portugais. Et avec moi aujourd'hui, celle qui a déjà réservé sa place au camping et sa voiture amphibie pour descendre à Cannes cet été, c'est Juliette Arnaud. Bonjour. Bonjour Alex. Comment allez-vous? Présentez-nous un peu l'équipe. Écoutez, alors moi je vais très bien et autour de la table je vais d'autant mieux qu'il y a d'abord l'affolante Mélanie Bauer qui interviendra aux alentours de 17h20. Mélanie Bauer qui accepterait de ne plus écouter autre chose que Kenji Girac plutôt que d'abandonner dans les geôles dominicaines ses compagnons d'infortune. Ensuite, il y aura mon cher Meurice, Guillaume de son prénom, qui s'est enfin trouvé un point commun avec Nicolas Sarkozy. Une attraction dévorante pour le KGB. Et pour finir, Samir Boily qui, s'il ne filerait pas un franc pour la reconstruction du Palais des Festivals, donnerait l'intégralité des gens qu'il aime pour ne jouer ne serait-ce que réserviste à la S-Cannes. C'est vrai. Mélanie, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Le mot du jour, c'est omnicorde. Personne ne le connaît à ce point. Ça ne m'étonne pas, Guillaume. Alors moi, je vais vous parler du Forum économique de la francophonie. J'y suis allé, il y avait plein d'investisseurs africains. J'ai investi au Sénégal, donc dans le domaine de l'agriculture, étant informaticien. Bah oui, c'est logique, hein, il est prêt pour aller cultiver des patates dans la Silicon Valley. Et vous, Samir? Moi, je vais parler de NBA, de basket, quoi, de joueurs français aux States, du rêve américain, de Julien Doré et de Michel Sardou. Ouais, ça fait pas mal. Gros programme aujourd'hui. Ouais. Mais heureusement, nous sommes accompagnés d'une référente de la République pour gérer tout ça. Vous êtes né sous François Mitterrand. Vous entrez au cours Florent en 2002. C'est l'année où Jennifer remporte la première Star Academy. En 2004, vous apprenez à jouer de l'accordéon et c'est la tendance rétro cette année-là puisque Les Choristes fait presque 10 millions d'entrées. En 2008, vous sortez votre premier album éponyme. Donc je ne donne pas le titre de l'album, sinon vous allez trouver trop facilement qui vous êtes. Premier album en 2008, c'est l'année du décès d'Henri Salvador, mais là, a priori, il n'y a pas de lien. Vous êtes Zaza Fournier, oui, je crois. Oui, elle a trouvé. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Il va falloir qu'on enlève ce Charline Vanhoenacker du jingle, ça sonne pas bien. Zaza Fournier, vous êtes avec nous pour votre nouvel album, Le Départ. Mm-hmm. Alors, j'ai lu, parce que vous êtes deux à bosser à fond sur cet album, vous êtes sans doute beaucoup plus que ça, mais j'ai pas tout compris. Alors Mélanie Bauer sans doute aura compris, mais pas moi. C'est une quiche en musique, hein, voilà, faut préciser quand même. Ça, c'est important. Vous êtes entouré d'un seul musicien, réalisateur britannique Magic Air, pianiste champion de body percussion aérien. J'ai beaucoup de trucs que moi j'aurais pas mis ensemble. Et du beatbox exact. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, on peut effectivement prendre un filtre et faire une phrase plus simple. Voilà, parce que c'est dans votre communiqué de presse. Hein. Ouais. Alors, lui, il est spécialiste effectivement de percussion vocale. Donc, il sait faire plein de trucs bizarres avec son corps et sa bouche qu'en fait, la majorité des gens que je connais ne savent pas faire. Vous ne m'aviez jamais rencontré. Effectivement. Donc, on peut en parler ensuite, mais c'est vrai. On peut avoir peut-être un extrait d'Alex Vizorek, parce que ça intéresserait les gens, je pense. Expliquer, moi, je suis en train d'apprendre des choses. Voilà, mais c'est pas tout, parce qu'effectivement, en plus de ça, c'est un super pianiste. Donc, la combinaison du doigté sur le clavier et de tout à coup, cette espèce de monstre qui joue avec tout son corps, ça fait un truc assez singulier. Et voilà, il s'appelle Magic Air. Il a du doigté, il joue des trucs avec sa bouche et avec son corps. Ouais. C'est parfait. Moi, c'est un bon résultat. C'est donc, pas mal, ça fait envie en tout cas. Maintenant que je sais à peu près de quoi on parle, je vais passer la parole à Mélanie Bauer qui a écouté l'album et qui a vraiment un avis musical plus intéressant que le mien. Oui, alors non, déjà vous avez un parcours qui est impeccable puisque vous avez fait un premier album qui a été encensé par la presse, un deuxième qui l'a été moins. Et ça, c'est très très bien pour vous. Et le troisième, eh ben oui, c'est celui-là qui vous a le plus plu, j'imagine, comme d'habitude. Toutes les stars, c'est comme ça. Ça commence par un premier album, on est surpris. Le deuxième, on l'est moins. Hein. Puis le troisième, c'est l'album de la maturité. Ça, c'était grand classique. Donc vous avez un parcours absolument impeccable avec super bon élève, en fait. Oui, c'est ça. Le avec, quatrième, donc, c'est le bide absolu, non c'est ça. Non. Après, c'est le suicide. Après, ça monte tout doucement. Après, ça monte tout doucement jusqu'à. Les critiques sont mortes. On n'ose plus. C'est donc l'album de la maturité. Ça veut dire que vous avez trouvé votre son. Et votre son, c'est la chanson. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est de la chanson, ce que vous faites ? Ouais, en tout cas, je fais des chansons. Des chansons en français. C'est pas du macramé, quoi. Je le fais pas en même temps. Il y a un petit peu de macramé. Ouais, je sais pas si c'est un rapport direct, mais je fais des chansons en français. Après, non, mais c'est une vraie question. Quoi. Ouais, parce que on parle toujours de chansons françaises. Hein. Moi, quand je parle avec certains grands défenseurs de la chanson française, je me sens pas du tout concernée. Patrick et puis Sébastien, eux non plus. Des gens comme ça. Des non, non, mais il y a une vraie famille encore de la chanson. Vous seriez l'héritière de qui, si on ne vous connaît pas du tout? Ah non, moi je sais qu'on n'aime pas ça. Mais... Alors d'accord, vous ne seriez pas l'héritière de. Oh, un paquet de gens. Non, allez-y, non. Je serais peut-être à une espèce de. Entre Barbara et Yvette Horner ? Non, mais en plus, de toute façon, quoi que je dise, ça peut être prétentieux. Je vais plutôt parler de mes références. Il n'y a pas de prétention ici. Hybride, c'est voilà, vrai. Voilà, vos références hybrides. Ok. C'est Alex Vizorek qui prend toute la prétention pour lui. je centralise. Non, mais en fait, pour donner un sens un peu à mes obsessions. Pendant longtemps, j'étais obsédée effectivement par Edith Piaf, par Barbara, par Brassens. Hein. Puis un jour, j'ai rencontré Tom Waits. Enfin, pas personnellement, mais j'ai rencontré dans mes oreilles. Puis Elvis. Et puis plus tard, d'autres trucs complètement. Et puis plein d'instruments. Vous avez joué très plein différents. D'instruments. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les croisements. Et c'est plutôt que ce soit difficile de dire ce que je fais. Ça me plaît bien. Et d'ailleurs, je le vois. Même les gens qui suivent, qui connaissent un peu mon travail, quand ils viennent me voir en concert, ils savent pas ce qu'ils viennent voir. Et ça me dessert parfois, parce que c'est compliqué à identifier. Puis en même temps, du coup, on prend le risque d'être un peu étonné. Ça, Enfin, moi, j'aime bien être étonné. Et si on veut être étonné, c'est le 13 novembre à Villeneuve-d'Ascq, le 14 novembre à E. Pour le teaser. Le 26 novembre à Amiens, puis à Montbrison, à Sérignan, il y a Ilkirch. Est-ce que, par exemple, vous aimez Vince Taylor? Dites-moi que ça m'arrangerait parce que, si vous voulez, là, il est parti. Et j'ai 17 secondes pour vous convaincre que c'est ça qu'il faut écouter. Ah, mais ça m'intéresse vachement plus. Les 17 secondes en question. Allez-y. Eh bien, c'est celle-là. C'est Vince Taylor, Brand New Cadillac. Eh bien, il a une nouvelle voiture et on le félicite. Voilà. Taylor et sa nouvelle Cadillac. Nous sommes avec Zaza Fournier sur France Inter qui vient nous présenter son nouvel album Le Départ. Zaza Fournier qui a fait les cours Florent puis de la chanson comme Dany Briand qui je pense est aussi une des références que vous avez oublié de citer tout à l'heure. Absolument. On en a beaucoup parlé d'ailleurs de ces vies parallèles presque identiques. Et autour de la table, Juliette Arnaud, Une équipe qui mériterait d'avoir chacun une nouvelle Cadillac. Mélanie Bauer, Samir Bouadi, Guillaume Meurice. Vous êtes engagé pour la qualité de vos transitions, mais aussi pour votre passion de l'information. Il est l'heure, Zaza Fournier, de se updater avec le journal de presque 17h17. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres. Après Robert Ménard, Nadine Morano reçoit le soutien d'Alain Delon. Il y a 30 ans, ça aurait de la gueule, le patron de Reporters sans frontières et la plus grosse star du cinéma français. Mais là, un vieux monsieur qui ne fait plus de films et un maire qui compte les rachides dans ses écoles, ça le fait moins. Cyril Hanouna a appelé Manuel Valls en pleine émission de Touche pas à mon poste. Le plus fou, c'est que Manuel a répondu. Après avoir relancé la carrière de Julien Courbet et de Jean-Pierre Foucault, Cyril Hanouna s'attaque au cas Manuel Valls. Et il y aura des brèves, et alors restez parce qu'il y a un tout beau cadeau sonore à la fin. Alain Delon nous fait une petite sortie dans le TV Mag du Figaro sur Nadine Morano. Alain Delon dit... Juste une question. Le Kenya est un pays de quelle race? Les gens sont noirs. C'est une polémique ridicule, elle a des couilles de tenir comme elle tient et de dire « Je vous emmerde tous et je dis ce que je pense et je continuerai à le dire. Chapeau Nadine !» En gros, Alain Delon nous dit « C'était mieux avant ». Oui, et c'est aussi ce qu'on pense quand on voit sa carrière cinématographique. Effectivement. Et puis Delon, qu'il soit proche de l'extrême droite, c'est pas étonnant. Il a la nationalité suisse depuis 15 ans. Politique people, toujours. Oui, hier soir en direct sur D8, Cyril Hanouna a appelé le Premier ministre Manuel Valls. Donc je suis à l'antenne, si je comprends mieux. Oui, monsieur le Premier ministre, c'est Cyril Hanouna en fait, je vous explique. Là. C'est que Mathieu Delormeau vous adore et il rêverait de déjeuner avec vous. Donc on s'est dit, on va vous appeler. Il a bien raison. Je vous passe les 42 secondes de rire d'Hanouna. La suite. Bravo, hey, il est drôle. Alors, monsieur le Premier ministre, est-ce que vous accepteriez de déjeuner avec Mathieu Delormeau? Mais bah, qui est cet individu? Je vous passe la minute 12 de rire d'Hanouna. La suite. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous voyez qui je suis? Est-ce que vous voyez qui je suis? Non mais moi je m'adresse vraiment au chef, moi, à Cyril Hanouna, donc je lui propose que ce soit lui qui m'invite d'abord. Ah, on parlera des autres déjeuners. Et voilà, il va donc aller déjeuner avec le Premier ministre. Donc, si on veut dîner avec le Premier ministre... Eh ben, il suffit de lui demander. Donc, amis chômeurs, syndicalistes, agriculteurs, appelez-le, il est open en ce moment. Idéalement, faites-le pendant une émission qui fait plus d'un million de téléspectateurs. Manuel Valls, toujours, mais pour toute autre chose. Oui, le Premier ministre d'origine catalane a lâché une petite phrase sur la possibilité d'intégrer le Barça en Ligue 1. L'Espagne s'est donc enflammée derrière. On comprend qu'ils ne se réjouissent pas à l'idée d'affronter Caen, Reims ou Lorient. Sport et société toujours. Oui, une affiche de match sexy, crêlez-moi, dans le sud de la France. Oui, sur une affiche pour un match de volley, Cannes-Béziers, la petite culotte de la volleyeuse crée polémique. On va pas se plaindre pour une fois qu'il y a un truc sexy dans la com à Béziers. Passons à l'international, Turquie. Oui, le gouvernement turc a pris le contrôle de deux chaînes de télévision d'un opposant politique. En France, on ne ferait jamais ça. Hein, en France, on demande gentiment à un ami de racheter les chaînes de télévision opposantes. FIFA. Candidat à la présidence, le cheikh Salman dément avoir commis des atteintes aux droits de l'homme. Ah oui, mais non, ça, un mec qui ne commet pas d'atteinte aux droits, c'est un très mauvais CV pour être élu à la FIFA. Et pour terminer, Alex, vous avez reçu un cadeau d'une auditrice. Mais oui, hier matin, j'ai eu la chance de chroniquer devant Gilbert Collard et il n'aimait pas qu'on lui rappelle son passé au PS, ses errances chiraciennes et même sa candidature en 2008 à la mairie de Vichy. Et bien sûr, sur Twitter, Pretty Polly m'a envoyé la chanson de campagne de l'époque. C'était chanté par Alain Berliner. Écoutez, prenez une claque musicale, Zaza Fournier. Ça s'appelle Aimer sa ville. Vichy, c'est cadeau. Vichy, t'as pas le droit d'être triste. Moi, je voudrais t'offrir l'école du journalisme et faire de ton avenir la ville porte-bonheur. Tu vas vers le futur. Oh là là là. Je t'aime de tout mon cœur. Tu peux en être sûr. Le timide, le rural, n'ont pas le savoir-faire. On va leur faire savoir. Car moi, Gilbert Collard, je dépose Cette bulle. C'est bon, Gilou. Mon verbe et mon bagage. M'offre tout entier, ensemble, tournons une page. Aimer une ville. Bravo. Alors, refermez. J'attendais un petit coup de feu à la fin. Refermez votre bouche, Zaza Fournier, et dites-nous l'analyse musicale que vous tirez de cette chanson. On entend les références, on se doute de qui on pouvait écouter à l'époque, en tout cas. C'est pas mal fait en même temps. Voilà, Clapton à la guitare, vous ça le fait. Perdez vos mots et je comprends. Voilà, tapez Aimer sa ville sur internet. Vous allez trouver ça. Attention, là, il est l'heure de l'information sérieuse parce que là, vous allez bosser. J'espère que vous avez préparé les sujets. Je vous sens aussi étonné qu'en écoutant Alain Berliner. Premier sujet, Nicolas Sarkozy aime bien Vladimir Poutine, mais surtout Nicolas aime la Russie car Nicolas, c'est un prénom de tsar. Ne lui reste plus qu'à convaincre le peuple russe. Eh bien, écoutez ses premiers mots en arrivant sur le tarmac. En arrivant ce soir, je savais pas trop ce qui m'attendait. Je sentais que l'état de gens m'haïssait. Mais je savais pas comment il fallait prendre ça, alors. Je crois que dans le doute, je vous ai haï aussi. Alors vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que si moi j'ai changé, c'est que vous avez changé. Tout le monde peut arriver à changer. C'est écrit pour lui. C'est deux incroyable. Frissons coup sur coup, c'est peut-être beaucoup. Mais oui, nous allons donc parler Russie parce qu'il est parti ce matin. C'est la deuxième fois depuis sa défaite qu'il va rendre visite à son ami en novembre 2012. Vladimir l'avait accueilli dans une belle datcha de la banlieue moscovite. Et là, en juin 2014, il a été à Sochi parce que Carla faisait un concert. Je m'excuse auprès de toutes les Clara. Et donc il y retourne pour parler Syrie, pour parler Daesh et surtout pour montrer que lui aussi existe encore. Qu'est-ce que ça vous inspire, Zaza Fournier, cette belle visite présidentielle? Est-ce que l'idée qu'il quitte la France, par exemple, ça peut vous plaire? Non, moi je trouve ça hyper étonnant en fait, que ce soit... Lui qui y aille? Ouais, que ce soit lui qui y aille, qu'on en parle comme ça, que du coup... tout ça continue de légitimiser une espèce de d'omniprésence et de, enfin, comme si tout ça était tout à fait légitime et qu'il était tout à fait à sa place. Enfin, je trouve que c'est très bizarre. Vous imaginez qu'il devrait y aller à la limite pour parler, mais que ça soit pas une espèce relayé comme voilà. Finalement, il a des super copains et on se fiche de savoir qui sont ses super copains. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Qui fasse des visites de courtoisie, c'est une chose, mais enfin voilà, moi je trouve ça bizarre. Ils appellent ça diplomatie parallèle, ils trouvent que l'opposition a le droit, Pierre Lelouch dit l'opposition a aussi le droit de s'exprimer sur les grands dossiers du monde, et il n'y va pas tout seul, belle équipe, il y va avec Rachida Dati, avec Christian Jacob, avec Gérard Longuet, et avec Pierre Lelouch. La Russie, est-ce que vous y avez été pour chanter, est-ce qu'ils sont si différents de nous quelque part, parce que non, il y a cette espèce de sens, non mais c'est tout de... il est un peu raciste, cette sensibilité slave, parce que on a tendance un petit peu nous occidentaux à regarder vers l'autre côté de l'océan, plutôt vers les États-Unis, et c'est ça que dit Sarkozy. Il dit oui, mais on est aussi là aussi pour recommencer la guerre froide. Nous, la France, on doit être un peu entre les deux et faire la passerelle plutôt que de regarder que d'un côté. Est-ce que ma question est moins raciste que le début? Non, là ça va. Elle est bien. Donc voilà, vous pouvez répondre à partir de maintenant. Sur votre visite en Russie, c'était ça. Ouais, voilà. Là, il y a eu tout un moment où effectivement, j'ai passé du temps en Russie, en Pologne, en Ukraine, et c'est à la fois des souvenirs. En fait, ce sont des souvenirs très contrastés. En Russie, notamment, moi, j'ai des souvenirs d'exaltation, un rapport à l'émotion qui me plaît beaucoup. La mélancolie slave. Bah, je sais pas, c'est peut-être un peu ringard de dire des choses comme c'est la spécialité. Hein. Non, je me mets dans le même sac parce que effectivement, il y a une espèce de choses comme ça très romantique qui m'a beaucoup plu. Et qui musicalement vous a... Voilà, je reparle en fait que de musique là, parce que c'est ça qui me... Vous n'alliez pas pour régler les problèmes de Daesh, évidemment, ça vous rend bien compte. Voilà. Sinon, c'est un échec. Bah, c'est moins romantique en plus, c'est comme question. Et du coup, en revanche, je dois vous dire qu'un de mes concerts là-bas est vraiment un de mes pires souvenirs de toute ma courte carrière, où je me retrouve dans une petite loge microscopique où au départ je devais jouer 3 quarts d'heure et puis je me suis fait botter les fesses parce que la star locale devait monter sur scène et menacer de partir, ils avaient pris du retard, donc j'ai fait 3 morceaux au lieu d'une dizaine, et puis je me suis retrouvée dans ma loge que je partageais avec des femmes nues recouvertes de peinture dorée, de Monsieur Muscle, d'une bande de jongleurs lilliputiens, enfin pas c'était complètement absurde. Mais non, mais en même temps je m'en souviendrai quoi. Et puis pour se faire pardonner, comme l'argument c'était bah t'es payé, qu'est-ce que je sais pas, oui mais enfin bon, quand même, j'étais venue pour dire des choses, mais du coup, on m'a rincé au champagne toute la nuit, c'était brillant. Voilà, et écoutez, sur cette belle anecdote, nous allons continuer à parler musique, et je passe la parole à Mélanie Bauer. Alors, cher Zaza Fournier, vous avez un point commun avec Damon Albarn, David Bowie et Brian Eno. J'adore ce début de... Bah oui. C'est un instrument de musique avec un son un petit peu kitsch, je vous laisse le dire, c'est l'eau... C'est l'omnicord. Exactement. Alors, c'est un outil relativement nouveau, puisqu'il apparaît en 1981, c'est une sorte de cousin bon tant pis de l'auto harpe, qui est elle-même une variation nord-américaine de la sitar autrichienne. Voilà, bref. C'est vrai, ce que vous dites. Absolument. C'est tout, je confirme. Totalement vrai. Est-ce que vous n'êtes pas André Manoukian avec un masque? On en joue soit avec un doigt, soit avec un médiator. Vous en jouez... L'auto-harpe, pas l'omnicorde. Oui, vous en jouez pas de l'auto-harpe. En fait, si, j'aime beaucoup ça. Mais alors, je ne sais plus combien de cordes, et c'est du coup une tannée à accorder. Et je suis un peu flemmarde. Ça roule bien, vous en êtes contente, cette auto-harpe? Oh, c'est mignon. J'adore cette blague. C'est ma dernière. Alors, ça sonne comment, un omnicorde? Je vous propose quelques exemples venus de la nouvelle scène pop française. Le premier cache son visage derrière un masque. Il a sorti 2 albums, remporté cette année la victoire de la musique de l'album de musique électronique. C'est Cascadeur, ici, avec le titre Walker. Walker. Walker. Alors effectivement, c'est pas la bonne version, me regardez pas comme ça, Zaza. autre exemple, mais c'est la bonne chanson, c'est déjà pas mal. D'accord. Autre exemple d'omnicorde avec la chanteuse diplômée, là ça va être bon, des Beaux-Arts, ex-choriste de Sébastien Tellier, Alice Lewis, qui sortait son dernier album, Your Dreams Are Mine, à peu près en même temps que vous, Zaza Fournier, c'était au printemps dernier, là c'est Parachutes. Ah, voilà. Just want to fall again from these greatest heights. Now it's time to leave the plane. C'est joli. Mmh. Ah oui, c'est bien. C'est très joli. Un dernier clin d'œil à cet instrument qui inspire autant les jeunes artistes avec l'homme orchestre Kim. Il a sorti plus de 20 albums en 20 ans, joué avec toutes les pointures de la musique française, fait ses propres clips, ses BD et même des soirées karaoké. Ici, la chanson s'appelle, à juste titre, hein, on va pas se tromper, Omnicord Song. Alors vous constaterez, Zaza, hein, que tous ces artistes français chantent en anglais. Alors évidemment, on ne comprend pas ce qu'ils disent, sauf moi qui suis bilingue. Alors que vous, bah vous êtes forte. Hein. Non seulement vous utilisez l'omnicorde, mais vous écrivez en français, une langue universelle chez nous. Et vous faites aussi des sketchs pour illustrer vos chansons, notamment hein, sur votre album Le Départ. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui consiste à dire que les filles sont des garces entre elles? Des quoi? Des garces? La salle? Des quoi? Oh, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Est-ce que ce serait pas un fantasme masculin, ça? Est-ce que ce serait pas un tout petit peu du sexisme, ça? Piti-piti. Personnellement, les filles, les femmes, les gonzesses, les nanas, je les aime par principe. Alors, puisqu'on aime les femmes par principe et qu'on aime l'omnicorde par principe, on écoute les filles, Zaza Fournier. Allez, sans voix. La chanson que tu chantais pour moi, je me souviens de ton front qui se plissait parfois, et je revois le soleil qui nous brûlait les yeux, cette envie sans pareil de n'être rien que nous deux. Te souviens-tu du café où on allait souvent au début de l'été faire la route en marchant? Je revois notre table qui était un peu bancale, la déco un peu minable, on s'en foutait pas mal. C'était hier, je crois, c'était il y a 100 ans déjà. C'était hier, je crois, la la la. C'était il y a 100 ans déjà. Je me souviens d'un matin à courir sous la pluie, de ta robe en coton, de ma chemise aussi. Tu attrapes ma main, je t'entendais crier, on court jusqu'à demain, c'était le mois de juillet. Te souviens-tu de la chaleur de cet après-midi? On s'était allongé parmi la pissenlit. Je me souviens de l'ombre et du parfum des fleurs. Le ciel est devenu sombre, on est rentré de bonne heure. C'était hier, je crois. C'était il y a 100 ans déjà. C'était hier, je crois. La la la, c'était il y a 100 ans déjà. Se plissait déjà, je n'ai pas tout oublié. Me reviennent parfois ces heures, ces jours passés, souvenirs de toi. C'était hier, je crois. C'était il y a 100 ans déjà. C'était hier, je crois. La la. la la, c'était il y a 100 ans déjà. C'était hier, la la la, c'était hier. C'était hier, je crois. C'était il y a 100 ans déjà. Lisa Fournier, donc, sur son dernier album. Juste si vous voulez rencontrer le plus grand collectionneur d'omnicordes du monde, il s'appelle Germaine Clément et il fait partie du groupe Flight of the Conchords, qui sont hilarants presque autant que cette émission. Voilà. Ça donne envie. Il est néo-zélandais. D'accord. Voilà. Ouais. Mais il vit aux États-Unis. Enfin bon, c'est une star hein, quand même, Flight of the Conchords. Je vous conseille de jeter un œil. Eh bien, nous écoutions Liffy, qui est la 11e plage de votre album, Zaza Fournier. Le départ, moi j'aime la précision. Et ce album sorti. Je savais même pas qu'on disait ça encore, plage. Ça, ouais. C'est pas bien. Oui, j'ai un petit côté rétro, mais c'est pas vous qui allez me jeter la pierre. Absolument pas. Entre nous. Nous, on dit ringard entre nous. Oui, non, rétro, on n'a pas la salle. Si on veut vous voir en concert, eh bien, il y a un site, mais sinon, je vous donne quelques villes. Villeneuve d'Ascq, Amiens, Montbrison et Ilkirch, jusque en mars. Même vous, je vous informe, je le sens. Et ça me fait plaisir. Attention, on a un enquêteur, je crois que vous le connaissez un petit peu. C'est votre voisin. C'est Guillaume Meurice, ouais. C'est le moment Meurice, c'est le moment où la France s'arrête. Ben j'espère bien, voilà. J'espère bien, surtout que je vais vous parler un peu de générosité aujourd'hui. Ça va nous faire du bien en ces temps troublés, parce que je me suis rendu à un événement organisé par le très très généreux Richard Attias, à qui notre émission doit beaucoup. Et ben oui, c'est lui qui s'est barré avec la meuf de Sarko, et c'est à elle que Nicolas a envoyé le fameux « Si tu reviens, j'annule tout ». Auré, c'est référence à son mariage à lui avec Carla Bruni. Vous suivez? Ben oui. Ben voilà. Bon, l'essentiel à comprendre, c'est que le destin de notre émission est lié de près à la vie sexuelle de Nicolas et de Richard. On est peu de choses. On est quand même peu de choses. Et ce Richard en question organisait donc hier le grand forum économique de la francophonie. Il n'avait pas lésiné sur l'accueil, ni sur les invités, des chefs d'État africains, des femmes et des hommes politiques français de premier rang, et bien sûr des investisseurs. Nous avons été invités par Richard Attias, l'organisateur de ce forum sur la francophonie. Vous êtes bien reçu ? Oui. L'accueil a été parfait, l'organisation est parfaite. Eh ben voilà la gentillesse de ce Richard Attias. Qu'est-ce qu'on était bien reçus là. On était même carrément dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Alors bien évidemment, les rabat-joie vont trouver ça choquant qu'un homme d'affaires organise une telle réunion avec la caution du Quai d'Orsay. Alors bon, je suis allé me renseigner auprès de nos élus. Tiens, par exemple, Seiba Dagoma, députée PS de Paris. Bon, alors le problème, c'est qu'a priori, j'étais mieux renseigné qu'elle. Je sais pas du tout qui organise l'événement. Ah, c'est Richard Attias. Bah écoutez, en tout cas, je ne sais pas si c'est choquant ou pas choquant. En tout cas, il a le mérite d'exister. Il a le mérite de réunir des chefs d'entreprise, des chefs d'État, des hommes politiques et des acteurs, tout simplement, en fait, de la vie économique. Et donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et vous pensez que là, il œuvre pour l'intérêt général ? Bah, je le souhaite. Vous y croyez ? Oui, j'y crois. C'est vrai ? Oui. Ben voilà, tout le monde est rassuré, on est bien. En plus, c'est une socialiste qui me dit ça. Bon alors, d'accord, elle est seulement députée. Mais si on demande, par exemple, à Anne Hidalgo, la maire de Paris, quels sont les termes qui définissent le mieux Monsieur Attias ? Morale, éthique et valeur dans le partage. Il fait ça pour la morale et l'éthique, Monsieur Attias ? Il y a autre chose que la simple recherche du profit. Il y a sans doute de l'éthique et de la valeur. Mais évidemment, sans doute de la valeur humaine. Mais oui, qu'est-ce que vous allez chercher d'autre, enfin ? Pourquoi Richard, il irait s'emmerder à réunir les gens les plus puissants de la francophonie pour faire que du business ? Non, c'est ridicule. Non, on était juste bien à papoter entre gens de bonne compagnie. Tiens, par exemple, Gérard Sénac, un des responsables du groupe de BTP FH. Comment vous expliquez toute cette générosité de sa part ? Écoutez, je pense qu'il a trouvé aujourd'hui un réseau qui devrait lui permettre de gagner ce qu'il donne aujourd'hui. Vous pensez que c'est intéressé ? Non, c'est de la RSE, c'est participer, c'est aider. Ne me dites pas qu'il a fait ça pour l'argent, ça va me décevoir. Je ne pense pas. Non, alors attends. Parce que merde, ça me fout le doute là du coup. Attends, vous pensez que quand même il y aurait volonté d'organiser tout ça pour faire de la thune ? C'est vrai que Richard, il a un bon business en Afrique. Est-ce qu'il détournerait des intérêts publics pour des intérêts privés ? Oula, bon. Alors attendez, pour assurer le coup, j'ai demandé à un mec de confiance, Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui traînait par là sans doute par l'odeur du petit four à lécher. Pourquoi ce n'est pas l'État qui organise ce genre de rencontre ? Surtout que la plupart des États au monde coûtent quand même très cher, sont presque tous très surendettés. Donc il y a tout un courant de pensée qui va à l'inverse de votre question, qui dit qu'il faut que les États se concentrent sur leur tâche essentielle. Mais attendez, vous êtes en train de me dire que c'est plus le pouvoir politique, c'est le pouvoir économique qui dirige le monde. Non, c'est des fausses questions, ça. C'est la mienne. Non, c'est une question qui ne se pose pas. Il y a belle lurette. Moi, je vous la pose. Oui, mais c'est des questions hors du temps, me semble-t-il. Ah bah oui, mais ça je savais pas. Là, j'étais pas au courant. Moi, je pensais qu'au contraire, c'était bien la préoccupation principale du moment, savoir qui dirige, est-ce que c'est la finance ou bien est-ce que c'est les gens pour qui on vote. Mais en fait, non, ce sont des questions d'un autre temps. Merci, on est vachement rassurés. Merci Hubert. Alors lui, en revanche, il n'était pas rassuré par mes questions, parce qu'après ça, il a posé la main sur mon micro, vous voyez, pour pas qu'on entende ce qu'il avait à me dire. Mais nous, à Radio France, on a des micros de bonne qualité, hein, comme quoi des fois, le service public, bah, c'est quand même pas mal. Tendez l'oreille. Non, mais coupez un peu, parce que je m'attendais pas que vous me posiez une question de polémique absurde sur le truc d'Athias. Ben oui, je m'excuse, monsieur Védrine, mais oui. Il vous avait pas envoyé la liste des questions. Ben non, je pose des questions comme ça. Un petit peu léger, Guillaume. Ben oui, moi je savais pas que c'était voilà, des questions polémiques absurdes, j'étais ignorant. Maintenant je sais, hein, tout ça est tout à fait normal. Ouf, ok, on est rassuré. Je pouvais repartir le cœur léger, non sans avoir auparavant rencontré Charles Michel. Ah. Alex, vous connaissez? Premier ministre chez moi. Premier ministre belge, et oui, il avait passé toute la matinée à côté d'un chef d'État. Je lui ai donc posé une question toute simple. Vous étiez assis à côté du président de Madagascar. Est-ce que vous pouvez me citer son nom? Rajoelimana. Attendez, comment vous avez dit ça? Je demanderai à Charline Vanhoenacker de le prononcer à ma place. On lui demandera, Charline, si tu reviens, on annule rien. Alors, si vous pouvez pas attendre, allez voir sur Internet. Hein, vous tapez président plus Madagascar. Vous allez voir, c'est un nom encore plus compliqué que Vanhoenacker. Et pour les affaires de Richard, bah, allez voir aussi sur Internet. Vous tapez simplement Richard Athias plus France-Afrique. Et voilà, une petite publicité. Hein, c'est cadeau. Merci Guillaume Meurice. Zaza Fournier, on continue. Je sens que vous avez... cette petite pause a fait du bien, mais ce retour au travail de l'actu, parce que jusqu'à 18h on pleure l'absence de notre chef, mais la brigade des changeurs de monde continue inéluctablement son avancée avec le sujet 2. Georges Lautner et Michel Audiard ne sont plus là, et bien qu'à cela ne tienne, l'actualité s'occupe de nous offrir des scénarios de barbouze, de la schnouf et des gueules. Les productions de la diplomatie française présentent Air Cocaïne. Mais au fond, la cocaïne, qu'est-ce que c'est? Maman a ramené ça d'Amsterdam. Il le met bien dans la narine gauche. Regarde ce que maman fait. Regarde ce que maman fait. Il ne regarde pas. Tu bouches l'autre narine restante. Donc hein? La narine restante. La narine restante. Hein? Bon, après tu prends le début de la ligne, tu commences là, comme là, dans le sens de l'écriture. Dans le sens de l'écriture. Dans le sens de l'écriture. Tu commences là, tu finis là. Et tu renifles un bon coup d'une seule fois de droite vers la gauche. Vas-y là, fou. Oh! Dis! Oh non! Oh non, non, oh non, de Dieu! Plus t'es mauvais, hein! Je te garantis, t'es mauvais, hein! Mon père a pris 250 000 qu'il a sorti de sa poche pour te faire 5 minutes de bonheur! Oh, te... Je prends de la coco, ça trouble mon cerveau! Fréhel featuring les Deschiens, évidemment. Alors, est-ce que vous avez suivi cette histoire, Zaza Fournier, rocambolesque, ou sinon je vous fais le pitch un peu en deux mots, là? Ouais, de loin. De loin. De loin, donc, en gros, ils sont partis à quatre avec l'avion pour ramener des valises. Parce qu'il y avait dans les valises, on leur a dit, ah, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas ramener là, dans les valises. En l'occurrence, de la cocaïne. Il y a même, vous allez rester plutôt ici en République Dominicaine. Mm-hmm. Et il y en a deux qui se sont fait la malle. Ils sont barrés. Mais enfin, ils sont restés un moment quand même. Ils sont restés un moment. Parce que là, on raconte rapide, mais... Évidemment, ils sont restés un bon moment. Mais là, donc, alors, évidemment, ouais, c'est bon, quand même, hein. Éric Dupond-Moretti entre dans le jeu, ça, dans un bon film de barbouze, c'est toujours rigolo. Et il dit, ce n'est pas parce qu'une équipe de barbouze payée par le gouvernement français, ce n'est pas ça qui s'est passé. Ils ne sont pas des fugitifs, ils vont évidemment parler à la justice ici. En revanche, il y en a encore deux là-bas. Et hier soir, on a vu quand même l'un des deux au journal de France 2, un peu comme une vedette. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Guillaume, vous l'avez vu, peut-être nous donner une petite analyse. Bah, un mec arrogant, ouais, bizarre, une sensation bizarre, quoi. C'est-à-dire un mec qui répond pas aux questions, on sait même pas pourquoi il a accepté l'interview, du coup. Ouais, on a l'impression d'être un petit peu dans un film. Est-ce que ça vous surprend qu'on puisse encore vivre des choses comme ça qui ont l'air un petit peu de dater d'un autre temps? En fait, moi, je le vois, c'est drôle, quand je lis ça, je pense surtout, aux deux personnes là-bas. Encore là-bas, bien encore sûr. Là-bas. Notamment un dans un lit sur un lit. Tout ça. Je sais pas d'ailleurs dans quelles circonstances. Il y en a un qui a la jambe pétée. Oui. Donc c'est compliqué d'embarquer dans des fuites et des évasions des gens qui ont la jambe pétée. Il faut bien voir ça. Alors, ouais, c'est Alain... là qu'il y a la question pratique de la situation. Voilà. Mais alors, oui, mais par contre, le troisième, il allait bien. Alors, on aurait pu le ramener. Oui, mais il est chiant. Donc, alors, il n'était pas en prison. Ils étaient assignés à résidence. Ils devaient juste aller une fois par mois pointer dans un commissariat local. Celui qui a la jambe pétée, c'est Alain Castagny, ancien pilote d'Alexandre Balkany, le fils. Ah. Oui. Ah bah, ça, c'est vrai. J'imagine. C'est... Il y a des coïncidences. Oui, mais ça. C'est un oui, hasard. Non, c'est un hasard. On va pas commencer à juger. Ah, bah, et l'autre qui est encore là-bas donne une petite interview. Il dit on m'a proposé un voyage pour m'aérer l'esprit et me permettre d'avoir un peu d'argent. Je devais juste venir et puis en plus repartir avec des valises. Mais il savait pas. Donc ces deux-là sont là-bas. Peut-être les deux ici vont nous expliquer. En tout cas, ça fera un bon scénario de film. Ouais, pas de chance. Hein. Mais, alors, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Mais est-ce que vous feriez la musique de ce film-là un petit peu? Parce que je pense que. Oui, ça serait avec, bien. Est-ce qu'on s'inspirerait de celle de Midnight Express, justement? Ah ouais, non, je me sens pas du tout concernée par ce genre de d'ambiance, non. Mais En fait, quel est votre rapport à la cocaïne? C'était la vraie question. En revanche, moi, j'ai des grands souvenirs de. La chanson réaliste a abordé ce sujet avec brio. Il y a Fréal, on l'a entendu tout à l'heure, mais oui. C'était pas la seule. Il y en a eu plein des chansons incroyables comme ça sur les stupéfiants qui sont démentes. Je sais pas si on pourrait le faire, en fait. En ce moment, on se posait la question par rapport à la chanson. Ah, bah ça, par contre, je veux bien essayer. Ça, je veux bien. Ah, eh bien, le défi, vous venez quand vous voulez. Une chanson sur l'héroïne. Votre... Sur la. Non, la coquette. Ce que vous prenez, l'andouillette, si vous voulez. Mais revenez avec votre drogue, nous faire la chanson. Quand vous voulez, on fera un live. Voilà. C'est super. On s'engage. De toute façon, on peut le. Alors, on est pas des gens, on va revenir sur notre part. Alors, ça. On a dit à Samir Boidi, tu feras une chronique aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Paf, la chronique. On le regrette. Je vais vous parler un peu de sport. Ça va changer dans la salle du Bar Tabac de la rue des Martyrs. Tout ça, il y avait des chansons comme ça. T'étais un peu néo-réaliste. Bref, bon, voilà. Alors, mes amis, vous n'êtes pas sans savoir que cette nuit a repris la NBA, le championnat de basket américain. Tout le monde le sait, il n'y a que des fans autour de cette table. Hein. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'en NBA, il n'y a pas moins de 11 joueurs français qui évoluent. Et oui, c'est le deuxième contingent d'étrangers derrière le Canada. Alors, c'est pas rien et ça dit quelque chose sur l'époque, sur une certaine France aussi. Hein. Ceci dit, mis à part Tony Parker, Batum, Joachim Noah et quelques autres, hein, qui s'est blessé d'ailleurs cette nuit, Noah, les autres jouent peu. Déjà, joueurs. Premier match, il s'est blessé. Ouais, tout de suite, bum, il a joué 5 minutes, un truc de dingue. Alors, parce qu'en fait, les vrais joueurs français de basket, on les retrouve plutôt sur le banc, hein, à Machin. Du chewing-gum, la casquette vissée de travers, attirer la tronche, genre je suis un vrai mec, un ric, un tatoué, j'écoute du rap, ma vraie patrie c'est McDo, je suis né à Villefranche-sur-Saône, mais mon surnom c'est Body Slow. Bon, c'est vrai que j'invente un peu, mais enfin en gros c'est ça, parce que le rêve américain des joueurs français de basket, c'est en fait une sorte d'échappée vers des terres fantasmées où la biatch se péchote par la ficelle du string, où les voitures rebondissent comme des balles perdues, où le tatouage de faux gang se pavane sur des bras gonflés comme des pneus. Le rêve américain du joueur de basket français, c'était un clip de Puff Daddy où le champagne ne sert qu'à lustrer les culs. Bon, Tony Parker, l'illustre, le grand Tony Parker ira même jusqu'à rapper, preuve que la culture basket est une culture rap ou l'inverse, mes amis, c'est comme vous voudrez. C'est ainsi, dis-moi quel est ton sport, je te dirai qui tu écoutes, qui tu devrais être, qui tu veux être finalement. Une jeunesse française qui a aussi du mal avec l'équipe de France, figurez-vous. Eh oui, pour certains, ils s'y retrouvent pas en cette équipe de France. Le cas de Joachim Noah est à ce titre édifiant, mais enfin, c'est son droit. Après tout, on peut décider de ne pas appartenir, comme dirait Groucho Marx. Je ne voudrais pas d'un club qui me voudrait moi pour membre. Bref, mais réjouissons-nous, nos joueurs sont bons, nos sportifs s'exportent. On assiste à une mondialisation du marché des talents dans ce domaine. La terre promise, mes amis, est un parquet ciré qui chante sous les semelles de ces jeunes hommes qui franchissent l'Atlantique avec, dans les oreilles, des airs familiers. Arrivés aux States, ils sont pas dépaysés, hein, ils connaissent par cœur. Hein, parce que l'Europe a depuis si longtemps déjà abandonné aux Yankees le terrain de l'imaginaire et donc du désir. Ah, mes amis, l'Amérique existe encore, semble-t-il. On y va pour l'argent aussi, mes copains, pour l'argent, on y va. Bah oui, parce qu'ici, bah, il fait gris et que Tony Montana, bah, il habite pas à Vendeuvre, à Mantes-la-Jolie, à Metz ou à Clermont. Hein. Non. Le basket. Et par ailleurs, et c'est ça, c'est très marrant, un sport plutôt élitiste. Paradoxe. En France, le ténébreux Benjamin Biolay n'hésite pas à se faire des nuits blanches devant sa télé pour assister aux rencontres. D'où les poches sous les yeux et les textes lourds de sens, j'imagine. Le basket, c'est classe. C'est joué par des rappeurs frustrés, mais c'est classe du côté des bobos qui écoutent Red Gianni en boucle. Ça fait moins foot, hein. Ça a de la gueule, hein. Chicago Bulls against the Spurs of San Antonio. Ça fait moins Guingamp against Laval. Non, Guingamp contre Laval en 32e de finale de Coupe de France. Heureusement, avec l'avènement d'une certaine littérature foot, branche-touille, barbu et casquette aussi, le foot résiste. Il se réapproprie une culture néo qui vénère rétrospectivement des joueurs devenus le temps d'une chanson, des icônes plus sépia. Les héros de cette résistance franchouillarde, Mickey 3D, avec son Johnny Rep en hommage à l'ancien joueur de Saint-Etienne. Oui. Joli titre d'ailleurs, vous me direz. Plus récemment, Julien Doré avec ça. Oh là là. Bon, je vous rassure, enfin, je vous rassure pas, ça n'a pas du tout porté bonheur à Platoche. Hein, bon. Non, mais là, en fait, il s'adresse surtout à un mythe. Ni à Julien Doré, non plus. Ni à Julien Doré non plus. Hein. C'est clair, c'est clair. Enfin, là, il s'adresse surtout à un mythe, un mot, une musique. Alors, disque de platine ou pas, mes amis, Benjamin, ou plutôt Julien, fait dans la légende dorée. Alors, quant à ces gamins, qui n'ont pas eu la jeunesse de cette couleur, dorée, hein, je veux dire, ils rêvent bruyamment d'Amérique. La France est plusieurs fois multiple. Heureusement, il nous reste Sardou, qui met tout le monde d'accord, qui unit ce qui est épars, en nous rappelant, sans rapper, que si les Ricains n'étaient pas là, on n'aurait pas la NBA. Voilà. Évidemment, évidemment. Merci Samir Bouazi. Et nous sommes avec Zaza Fournier qui prend une claque musicale avec tout ce que vous entendez aujourd'hui. Ah, ça rigole pas. Hein. Ça, ouais, je regrette que vous n'ayez pas mis l'extrait de Sardou. Oui, bah, mais je voulais le faire moi-même. Ça me fait... J'adore chanter Sardou. C'est pour ça. Zaza Fournier pour son album Le Départ, qui est donc Sardou pas du tout dans vos inspirations. Et comme ça, les gens qui auront envie de vous découvrir savent que ce ne sera pas du Michel. Effectivement. Et on voilà. Peut, alors c'est vrai que sur les références que je n'ai pas, on peut citer Michel Sardou. Eh bien, on vous découvre par l'absurde, par ce que vous n'êtes pas. Voilà. Et c'est aussi ça, l'intérêt d'une émission. Et on vous découvre par votre connaissance de l'actualité et votre avis. Et ici, c'est un sujet générosité. Donc, évidemment, généreusement, je le laisse à Juliette Arnaud. Soyez-en remerciés, Alex. Figurez-vous, ma chère Zaza, que la ville de Cannes va procéder à la manche. Je m'explique, la ville de Cannes, suite aux inondations abominables de début octobre, a concentré 40% des dégâts dans le département. Son maire, David Lisnard, du Parti Les Républicains, va donc lancer une campagne de solidarité financière auprès du monde du cinéma, du luxe et de la musique. Il s'adresse à cette catégorie précise de personnes, un rapport au festival du même nom, le plus important du monde, et qui se situe dans la même ville. En quelque sorte, ça va être une sorte de caneton. Bon, c'est bien, c'est mignon, hein, c'est un petit canard. Il y a moins de vues sur YouTube qu'un petit chat, mais ça va, c'est mignon. En même temps, on ne va pas se plaindre, hein, parce que David Lisnard, il ne veut solliciter que des riches. C'est de bonne guerre. Là où je me pose une question, et on s'est tous posé une question, c'est comment il va expliquer à Sharon Stone que sinon elle va passer du Martinez au camping des Flots Bleus. Tente maréchale, 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyétiné. Et alors attention, la chambre d'amis, avec contre-porte moustiquaire. Ouais, c'est une tente quoi. La douche, les toilettes. Alors, tout ce qui est douche, vaisselle, c'est au sanitaire. Vous voyez l'accueil? Ben juste derrière, à côté du snack. Ah, et pour les water, évitez ceux de droite. Hein, c'est à la turque. Oui, alors c'est bizarre parce que Sharon Stone, elle a la voix de Gérard Lanvin. C'est assez particulier, mais c'est les doublages en français. Voyez le risque en devenant célèbre, enfin vraiment très très très très très célèbre, c'est d'être super sollicité pour des causes humanitaires plus ou moins honorables. Mais peut-être qu'on vous sollicite déjà d'ailleurs, Zaza Fournier. Je ne sais pas, quel des est votre galas. Rapport à la générosité ouais, c'est arrivé. Ce non, l'idée, c'est de ne pas perdre de vue pourquoi on fait les choses. Et du coup, effectivement, là, ce que je trouve un petit peu déréglé... Bon, c'est la météo. Déjà, il y a la météo qui... Allez, pas perdre des contrats à Cannes. C'est-à-dire hein. que là, tout à coup... Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu absurde, non, dans cette idée, ou c'est que moi... Quand ou... les Républicains et ex-UMP font la quête, c'est souvent assez absurde. Oui, oui. La dernière fois, c'était pour renflouer leur caisse à eau. Mais... Bon, je sais pas. En fait, si on fait la liste des priorités, j'ai l'impression que... Mais bon, je sais après, il y a des photos dans le Parisien. On voit qu'il y a des gens qui ont vraiment... Absolument, leur absolument, absolument. Mais ça, c'est, du coup, c'est drôle. C'est comme une solution... qu'on aurait trouvé dans un carambar ou je sais pas. On n'est pas chanté pour mon dégât des eaux, quoi, ça veut dire. Ouais, mais en même temps, je comprends bien le lien qui est fait en direct, hein, pourquoi pas. Mais d'ailleurs, ça m'intéresse. Quelles sont les premières réactions? Il y a eu des. Alors on les attend. Vraiment, moi, je suis debout sur mon téléphone. L'idée est arrivée ce matin et je crois que Sharon Stone a changé d'adresse pour éviter de recevoir la lettre. Mais si vous-même, par exemple, vous étiez sollicité, mettons par les Enfoirés, vous auriez plutôt la position Joey Starr ou la position Pascal Obispo? Je sens que vous préférez ne pas. Je sais pas. C'est comme quand on me dit, tu sais, tu préférerais avoir des bras en mousse ou je sais pas. Mais c'est pas le meilleur jeu de la télé. Voilà, c'est très compliqué. En fait, je trouve que évidemment que la première, comment dire, ce pourquoi tous ces artistes sont sollicités. Est une belle cause. Non, mais ça c'est pas négociable, voilà. Évidemment. Chanter après, c'est Mimimati, simplement que voilà, du coup, ouais. Est-ce qu'on a un droit de regard sur la direction artistique du projet? Certainement. Oui, certainement. En tout cas, on salue le costumier des spectacles donc, des Enfoirés qui bossent beaucoup. Et ben, on va voir si vous êtes prêts pour les sketchs des Enfoirés, parce que on l'a dit tout à l'heure que vous aviez fait les cours Florent en fin de cette émission. La tradition, c'est qu'on donne un sketch à l'invité pour faire avec nous. Et ne me regardez pas comme ça, parce que tous les jours, tout le monde le fait. Non, c'est pas que pour vous. Et il s'avère que vous étiez au Conflorant avec un certain Guillaume Meurice, c'est ça, c'est rigolo. Oui, oui. Alors, je vais vous faire jouer ensemble. Qu'est-ce que je vais vous faire jouer? Parce que j'ai lu ce matin que le candidat Bruno Le Maire, pour la présidentielle de 2017, il s'est attaché les services d'un metteur en scène de théâtre pour l'aider à se débarrasser de son image de premier de classe. Et on a pu assister au premier cours. Bruno Le Maire, c'est Guillaume Meurice et sa prof de théâtre, eh bien, c'est Zaza Fournier. Bonjour monsieur le maire, asseyez-vous. Maîtresse. Il n'y a pas besoin de lever la main, de m'appeler maîtresse. Pardon, vieux réflexe. Vous avez déjà fait du théâtre? Oui, à l'école, on avait joué le petit Nicolas, j'étais Agnan. Évidemment. Oui, vous avez déjà travaillé avec des politiciens? C'est le gros de mon chiffre d'affaires, j'ai beaucoup travaillé avec votre patron. Ah, monsieur Sarkozy, d'accord. Quand il est arrivé, il était raide comme un piquet. Maintenant, il bouge bien son corps, hein, sur tous les épaules. Ah, d'accord. Et Hollande, vous avez bossé avec? Non, lui, il a préféré travailler avec Kamel Ouali. Résultat, à Tulle, il danse sur l'accordéon. Ah oui, vous aimez l'accordéon? Ah non, moi, les instruments ringards, je les laisse à Yvette Horner. Sinon, j'ai eu Bayrou aussi. Ah, et vous avez trouvé un rôle à Bayrou? Ah oui, il est bon dans du Tchekhov. Ah oui, autant pour moi, oui. Il jouait Ivanov, Platonov. Ah non, c'est lui qui a porté le samovar. Ah oui, d'accord. Et pour moi, vous aviez quelque chose en tête? J'ai les classiques. Tartuffe. Ah oui, alors ça, j'ai déjà joué le rôle. Hein. Je suis chez les Républicains. J'ai du Voltaire. Candide. Ah bah, autant prendre directement ma carte au PS alors. Oui. Ok, le médecin malgré lui. Cahuzac. C'est pas un quiz. Ah, du Sartre, c'est bien ça. Huit clos. D'accord, alors faites voir. L'enfer, c'est les autres. Bah non, ça je peux pas, c'est le programme du FN. Ah ouais. Si, j'ai un truc qui est parfait pour vous. Ça vous préparera idéalement pour la primaire à droite. Ah bon, c'est quoi? Le CID. Pourquoi? Lisez. Nous partîmes 500... Très bien, on s'y croirait. Mais vous n'avez rien perdu, Zaza Fournier. Dis donc, j'ai adoré faire ça. C'est vrai? J'avais 18 ans à nouveau. Donc vous revenez nous voir pour une chanson sur une drogue, celle que vous voulez, et pour faire un sketch avec Guillaume Meurice. Mais on va monter une pièce. Mais pour refaire un sketch avec Guillaume Meurice. D'accord. Non, mais vous, dans vos spectacles, on peut vous voir parfois faire des petits sketchs avec le public, comme on a entendu tout à l'heure, parce que est-ce qu'en sur scène, vous le faites? Des sketchs comme cela? Non. Ouais, parce qu'à la Delerme, de temps en temps, il s'adresse au public. Et il fait un petit peu ce qui ressemble à du one-man show. Ouais, en tout cas, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la relation directe avec les gens et ce qui fait que c'est ici et maintenant et que le concert là ne ressemble pas à celui de demain ni celui d'hier, bref. Donc on peut dire que Villeneuve-d'Ascq ne ressemblera pas à Amiens, non, ni à Ilkirch, ni à Sérignan. Non, et j'ai donné quelques villes dans lesquelles vous serez. Et vous étiez surtout là pour le disque. Si vous n'habitez pas ces villes, et c'est pas de chance, mais c'est comme ça, achetez le disque Zaza Fournier. Le départ, il est sorti en mars. Et on a adoré vous avoir autour de cette table. On avait un peu l'impression que vous faisiez partie de l'équipe et je ne dis pas ça que pour l'imprimer de votre robe dont j'aurais volontiers fait une chemise. Oui, mais si, c'est un compliment venant de ma part. Merci Guillaume Meurice, merci Samir Bouadi, merci Mélanie Bauer, merci Juliette Arnaud d'avoir accompagné mes pas de patron. Et demain, elle revient, Charline Vanhoenacker, et on aura Grand Corps Malade. À demain. Comment est-il? Très charmant, très gentil, très gentil, très bien élevé, très bien, très talon rouge. Vraiment gentil. Oh, très gentil, très gentil.